Qui es-tu? D'où viens-tu? Belle femme ange sans poids, qui trouble ses manières calmes, apaisée après la tempête. L'éclat peut-être d'un aube caché par tes joues dorées, imperceptiblement à tes côtés, les feuilles des chênes renaissent et je fais.